2017 sera l'année des trous noirs. Pourquoi ça? Eh bien parce que de nouveaux équipements, dont le Event Horizon Telescope, un télescope géant né de la mise en réseau de plusieurs télescopes terrestres par interférométrie, devraient permettre de prendre pour la première fois des clichés du trou noir supermassif qui est au centre de la Voie lactée, Sagittarius A star. Et de fait, même si l'on n'a toujours pas observé directement de trou noir, il ne se passe pas un jour sans que de nouvelles informations viennent compléter ou complexifier les modèles théoriques existants. Comment faire la lumière sur les trous noirs? C'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour éclairer l'inéclairable, pour faire la lumière sur ces espaces qui l'emprisonnent, nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table de la méthode scientifique Éric Gourgouillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en astrophysique théorique et directeur de recherche CNRS au laboratoire Univers et Théorie de l'Observatoire de Paris. Vous avez publié notamment Relativité restreinte des particules à l'astrophysique aux éditions EDP Sciences et CNRS Éditions. Nous sommes également en compagnie d'Alain Riazuelo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris, également chercheur au CNRS et enseignant à l'UPMC. Vous avez pour votre part publié « Les trous noirs à la poursuite de l'invisible » aux éditions Vuber, un livre préfacé par Roland Lehoucq. Alors voilà, messieurs, est-ce que vous pensez vous aussi que 2017 est l'année des trous noirs? Est-ce que c'est l'année où on va enfin pouvoir obtenir une observation directe d'un trou noir, Alain Riazuelo? On peut dire que 2016 c'était déjà l'année de la confirmation indiscutable de leur existence, mais le lien avec la réalité sensible était un peu ténu par les ondes gravitationnelles. Exactement. On va en reparler dans quelques instants. Et cette année, on va se rapprocher de quelque chose qui est plus en rapport avec ce que le public s'imagine de l'astronomie, c'est-à-dire quelque chose qui va commencer à ressembler à des images. Éric Gourgouillon, 2017, année des trous noirs. Alors définitivement, la première observation, vous y croyez? J'espère. Oui, on attend une prise de données pour le mois d'avril par l'Event Horizon Telescope. Il y a également l'instrument Gravity sur le VLT là qui est le Very Large Telescope dans l'Observatoire européen austral au Chili. Donc avec ces deux instruments, là, on va avoir à la fois des images et des orbites d'étoiles autour du trou noir central de la galaxie. Donc effectivement, ça va être sans doute une année faste. Une année importante. Oui. Quels sont encore les obstacles techniques qui s'opposent à cette observation directe? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas observé finalement tout simplement de trou noir directement, Éric Gourgouillon? C'est une gageure. Le trou noir le plus gros qu'on connaît dans le ciel depuis la Terre, c'est effectivement celui du centre de nos galaxies, Sagittarius à étoiles, mais il est quand même tout petit. Sa taille angulaire, c'est 53 millionièmes de seconde d'arc, ce qui est extrêmement, extrêmement faible. C'est la taille, je crois, d'une pièce d'un euro vue sur la Lune. Donc c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas faire des images à ce niveau-là de précision. Et donc c'est... L'un des problèmes pour observer les trous noirs, c'est que plus ils sont massifs, plus ils sont petits. C'est le contraire. Plus ils sont massifs, plus ils sont gros, mais il y a relativement peu de gros trous noirs. Ouais, il y a sans doute quelques dizaines de millions de petits trous noirs dans notre galaxie. La plupart sont tellement discrets qu'on ne les connaît pas. Donc il n'y a aucun espoir, à moins d'un énorme coup de chance, de voir passer, pas loin du Soleil, un petit trou noir. Donc le seul espoir d'en observer, c'est d'aller beaucoup plus loin et d'en observer un qui est beaucoup plus gros, mais ces trous noirs-là sont rares. Le seul qui est observable à moyen terme, c'est celui qui est au centre de notre galaxie. Ce que je voulais dire, c'est que même lorsqu'ils sont très massifs, comme ils sont très denses, ils n'ont pas une taille très grosse comparée aux autres objets célestes. Voilà le fond de ma pensée. Alors, je le disais dans la présentation de l'émission, hein, presque pas un jour ne se passe sans qu'une étude ou une publication ne sorte sur les trous noirs. Des publications d'ailleurs plus ou moins sérieuses, hein, je peux vous en citer un certain nombre que j'ai lu en préparant cette émission. Et si la Terre était aspirée par un trou noir, bon, on ne voit pas tellement pourquoi ou pour quelle raison, que se passerait-il si vous tombiez dans un trou noir? Ça ne risque pas, je vous rassure, de vous arriver demain non plus. Comment est-ce que vous expliquez l'un et l'autre le fantasme que créent ces objets célestes par rapport aux autres? Pourquoi est-ce qu'on rêve ou pourquoi est-ce qu'on fantasme autant autour de ces trous noirs, Éric Gourgouillon? Il y a, par leur définition même, c'est les trous noirs, donc ils se séparent du reste de l'univers par cette frontière n'est franchissable que dans un sens, donc qu'on appelle l'horizon des événements, ça les singularise complètement des autres objets. Sur un, par exemple, quand on atterrit sur une planète, on peut toujours en redécoller, il suffit d'avoir une fusée suffisamment puissante. Voilà. Et donc le fait que rien ne parte de ces objets, y compris la lumière elle-même, hein, puisque c'est la définition même du trou noir, la lumière ne s'en échappe pas, ça effectivement, ça interpelle l'imaginaire, hein, sans aucun doute. Alain Ruas-Vielleau. Oui, et puis en plus de ça, il y a le fait que les trous noirs, c'est des objets qui ont été théorisés assez tôt. Hein. Le concept de trou noir, il a plus de 2 siècles. Mais pendant très longtemps, ce sont restés des constructions théoriques, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune preuve et même aucune raison de penser que de tels objets puissent exister. Donc c'était un fantasme de théoricien, on peut dire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un siècle et demi, si on avait demandé aux gens s'ils croyaient que les trous noirs puissent exister, les scientifiques de l'époque auraient dit déjà on ne sait pas ce qu'il y a dans l'univers et de toute façon on ne voit pas quelles conditions permettraient à de tels objets de se former. Et c'est beaucoup plus tard, dans les années 60, que les aspects théoriques et observationnels se sont mis en place et ont laissé espérer que non seulement ces objets puissent exister, mais qu'en plus ils puissent jouer un rôle important dans l'histoire de l'univers. Alors vous l'évoquiez à l'instant, effectivement, reprenons un peu, pour c'est intéressant, le fil de l'histoire. Les premières mentions d'un trou noir ou d'un objet qui s'en apparenterait datent de la fin du XVIIIe siècle. À l'époque, ça reposait sur la théorie corpusculaire de la lumière, ces premiers calculs qui avaient été faits à la fin du XVIIIe siècle par Michel et Laplace. Et donc, autant on conçoit bien qu'un corpuscule soit sensible à la force de gravité, hein, donc que la gravité puisse retenir la lumière. Quand la théorie ondulatoire de la lumière est apparue au XVIIIe siècle et a dominé complètement la théorie de la lumière avec l'électromagnétisme de Maxwell notamment, là, c'était beaucoup plus vasouilleux de savoir si une onde électromagnétique était sensible à la gravitation ou pas. Donc, je pense aussi que l'abandon un peu des idées autour des corps obscurs, puisqu'on ne prononçait pas le mot trou noir à l'époque, pendant tout le 19e siècle et le début du 20e siècle, s'explique par cet aspect corpusculaire, ondulatoire, pardon, de la lumière qui a dominé à ce moment-là. On parlait même d'astre occlus, parce que le terme trou noir, c'est une invention du 20e siècle. Oui, c'est une invention. Alors, si j'ai bien compris, c'est une invention du grand public. C'est lors d'une conférence grand public, quelqu'un dans l'assistance a pris la parole et a dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas appeler ça un trou noir ?» Et l'orateur a dit « Oui, c'est exactement ça. » Et c'est un exemple assez rare en astronomie. En astronomie, en général, on observe des objets que l'on ne comprend pas, et donc il faut bien leur donner un nom. Et souvent, le nom s'avère être complètement sans rapport avec les propriétés de l'objet. Donc une nébuleuse planétaire, on pensait que c'était un système planétaire en formation, c'est pour ça qu'on appelait ça une nébuleuse planétaire, alors qu'en fait, c'est ce qui reste d'une étoile comme le Soleil quand elle a fini sa vie. Le trou noir, c'est le contraire. On a conceptualiser cet objet, et donc finalement on a trouvé un nom extrêmement approprié, extrêmement évocateur, et qui joue beaucoup pour la fascination que ces objets exercent bien au-delà du monde scientifique. L'un des premiers paradoxes dans cette histoire des trous noirs, c'est que la relativité générale va aider en tout cas à les comprendre, à les définir, et pourtant Einstein ne croyait pas à l'existence des trous noirs. Oui, effectivement. Justement, pour revenir juste sur cet aspect relativité générale, effectivement, on peut dire que l'essence même des trous noirs tels qu'on les conçoit aujourd'hui, elle est vraiment due à la relativité générale, parce que les premiers trous noirs dont on parlait tout à l'heure de Laplace et Michel de la fin du XVIIIe siècle, certes, c'était des corps pour lesquels la vitesse de libération était plus grande que la vitesse de lumière, mais rien n'interdisait à une superfusée qui puisse, si on lui donnait une vitesse plus grande que la vitesse de lumière, 300 000 km par seconde, rien n'interdisait de s'échapper de ces objets. Hein. Donc c'était pas des trous noirs au sens moderne où on l'entend aujourd'hui. Alors qu'avec la théorie de la relativité générale d'Einstein, rien, donc non seulement la lumière ne peut pas s'échapper, mais aucune fusée, aucun objet vraiment ne peut s'échapper. C'est physiquement impossible. Donc c'est un peu différent, disons, qualitativement des premiers trous noirs. Alors pour cette histoire d'Einstein, effectivement, Einstein lui-même, c'était l'aspect sans doute singularité au centre du trou noir qui le gênait, parce que bon, il n'aimait pas trop avoir une singularité dans sa théorie, et donc il était effectivement un peu opposé, même pas mal opposé à ce concept de trou noir comme existant dans la nature. Il voulait pas envisager en tout cas que la matière puisse être compressée à l'infini. Il a même écrit un article plus ou moins correct, enfin... moins correct que plus, hein, effectivement. C'est une des rares erreurs d'Einstein. Bon, on peut lui pardonner, il a fait tellement de choses formidables pour essayer de démontrer que les trous noirs ne pouvaient pas exister dans la nature. Mais son raisonnement était faux, effectivement. Alors peut-être redéfinir en quelques mots finalement, comment est-ce que la physique théorique aujourd'hui définit un trou noir ? On a parlé d'horizon des événements, de singularité. Alain Ruas-Vielleau, comment est-ce que la physique définit un trou noir, simplement ? L'idée, c'est de se dire que si la matière est... compactée au-delà d'un certain seuil, le champ de gravitation qu'elle génère dans tous les cas, devient tellement fort que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Ce qu'il advient de la matière qui est là, comme les objets s'attirent les uns les autres, la conséquence de cette idée, c'est que, très intuitivement, cette matière se condense en un point infiniment petit et infiniment dense, qu'on appelle la singularité, et qui est un objet qu'on n'arrive pas bien à décrire. Et paradoxalement, le fait qu'on n'arrive pas à décrire ce qui est le centre d'un trou noir ne nous gêne pas, puisque rien de ce qui est au centre du trou noir ne communique avec l'extérieur. Donc quoi qu'il se passe à l'intérieur, aujourd'hui on ne le sait pas vraiment, ça n'est pas grave, puisque à l'extérieur, le trou noir s'est formé, c'est-à-dire il n'y a pas de surface solide à un trou noir, il y a une sorte de point de non-retour, au-delà duquel, si on y va, on est aspiré vers le centre. L'horizon des événements, voilà, donc. Sans espoir de retour. Donc le trou noir, c'est une région de l'espace dont on ne peut pas s'échapper. Ce qui est assez paradoxal, c'est l'un des nombreux paradoxes que nous allons évoquer au cours de cette heure, c'est que pour les physiciens, finalement, un trou noir, c'est un objet assez simple qui est décrit par seulement trois paramètres, alors que pour les astrophysiciens, c'est extrêmement complexe et extrêmement difficile à modéliser, Eric Gourmillon. Oui, alors effectivement, d'un point de vue théorique, le trou noir est décrit par seulement trois paramètres, sa masse, son moment cinétique qui caractérise son état de rotation et éventuellement sa charge électrique, bien que on pense que dans l'univers, la plupart des trous noirs doivent être de charge zéro, électriquement neutre. Donc effectivement, c'est un objet relativement simple. C'est pour ça d'ailleurs on a cette expression imagée. On dit un trou noir n'a pas de cheveux. C'est une formule assez célèbre, ce qu'on appelle l'absence de chevelure, le théorème d'absence de chevelure. Donc effectivement, c'est un objet très lisse. Il est décrit par seulement deux ou trois nombres. Alors que si on y réfléchit, pour décrire par exemple une planète ou une étoile, il faut bien plus que deux nombres. Si on veut décrire les nuages, les rivières, les petits oiseaux, etc. Il faut des centaines de paramètres. Autant de paramètres que d'atomes. Donc c'est effectivement extrêmement simple. Par contre, comme vous le dites, c'est compliqué du point de vue astrophysique, parce que souvent c'est l'environnement en fait qui est compliqué. On n'observe pas directement le trou noir par définition, donc ce qu'on observe c'est son environnement immédiat, sous forme en général d'un disque d'accrétion, c'est de la matière qui est accrétée par le trou noir, de l'hydrogène essentiellement, et ça peut être très compliqué. Il y a des champs magnétiques là-dedans, il y a une physique relativement complexe effectivement autour du trou noir. C'est ça qui est compliqué, c'est pas le trou noir lui-même qui reste un objet très simple. Mais alors le trou noir finalement, est-ce que c'est un objet en deux dimensions, en trois dimensions? Comment est-ce qu'on en peut en quatre dimensions? C'est l'espace-temps. Bien sûr, puisque ça, c'est la théorie de la relativité, on y revient. Comment est-ce qu'on peut le définir ou le modéliser en quelque sorte, Alain Reyes-Vello? De loin, ça a l'air d'être un astre relativement sphérique, parfaitement sombre. Donc on pourrait croire que c'est une planète peinte en noir. En fait, c'est pas une planète peinte en noir. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre, parce que si on imagine qu'il y a un fond étoilé un peu lumineux en arrière-plan de ce trou noir, on verra que quand le trou noir passe devant, ce fond étoilé est distordu. Donc on sent bien que la lumière ne se propage pas normalement quand elle passe au voisinage de cet objet. C'est ce qu'on appelle l'effet de lentille. La lumière est défléchie par ces objets et des fois elle est focalisée, d'où le terme de lentille gravitationnelle. Donc un objet par exemple qui est exactement aligné entre vous, derrière un trou noir, aligné avec vous, il ne va pas être masqué par le trou noir, mais au contraire il va apparaître comme sous la forme d'un anneau autour du trou noir qui peut être extrêmement lumineux. Donc paradoxalement, ces objets très sombres peuvent permettre de révéler des objets très peu brillants qui sont derrière eux. Et donc c'est un objet qui est sphérique, on peut en faire le tour, on peut quasiment arpenter sa surface, donc on reste juste à l'extérieur de sa surface, et si l'on suppose qu'on a assez d'énergie pour le faire, donc ça a un sens de parler de la surface d'un trou noir, même que la surface du terrain sur lequel vous avez bâti votre maison, par exemple, ça a tout à fait un sens. Par contre, l'intérieur, c'est quelque chose de beaucoup plus déroutant, parce que même si on peut délimiter cet objet de l'extérieur, on ne peut pas parler de son volume une fois qu'on est à l'intérieur. Et ça vient du fait que la gravité, c'est une déformation à la fois de l'espace et du temps, et que cette déformation est tellement extrême dans le cas des trous noirs que un certain nombre des notions intuitives que nous avons sur ce qu'est l'espace ne sont plus valables à l'intérieur des trous noirs. Pourquoi est-ce que ces trous noirs sont aujourd'hui absolument, puisqu'on ne les a pas, alors maintenant il y a des ondes gravitationnelles, donc ça change un petit peu, mais si on se reprojette avant la découverte des ondes gravitationnelles, dont on reparlera tout à l'heure, pourquoi est-ce que ces trous noirs sont nécessaires à notre compréhension de l'univers ? Éric Alors, paradoxalement, aujourd'hui, en astrophysique, on invoque les trous noirs quand on doit expliquer une source d'énergie très grande, comme par exemple la luminosité des quasars, qui sont les astres les plus lumineux qu'on connaisse dans l'univers. On a besoin, pour expliquer ça, on ne saurait pas l'expliquer par des mécanismes de production d'énergie plus traditionnels, comme par exemple la fusion thermonucléaire qui est à l'œuvre au cœur des étoiles. Eh bien, cette fusion thermonucléaire, tout efficace qu'elle soit, elle n'est pas suffisante pour expliquer la luminosité des quasars. Pour expliquer cette luminosité, on a besoin de faire appel à un mécanisme qu'on appelle l'accrétion, c'est-à-dire la force de gravitation qui agit sur la matière, qui attire la matière. La matière, quand elle tombe vers un trou noir, elle ne va pas tomber radialement, elle va tomber en spiralant. Elle va former ce dont je parlais tout à l'heure, un disque d'accrétion. Et en spiralant, elle va être chauffée par les forces de frottement, le fait que tout ne tourne pas à la même vitesse autour de l'objet central. Et donc cet échauffement, ce frottement, en fait, va permettre de dégager sous forme de chaleur enfin, une partie importante de l'énergie de la matière, et notamment du fameux E égale MC2, hein. C'est une formule que tout le monde connaît, je pense, le contenu, l'équivalence masse-énergie. Les réactions de fusion thermonucléaire au cœur des étoiles, dont je parlais tout à l'heure, elles dégagent au maximum 1% du MC carré, du MC2. Mm-hmm. Alors que l'accrétion, on a pu montrer par le calcul, que l'accrétion de matière sur un trou noir peut dégager jusqu'à 42% du MC2. Donc aujourd'hui, l'accrétion sur un trou noir, c'est le mécanisme le plus efficace que l'on connaisse dans la nature. Et donc on a besoin en astrophysique des trous noirs pour expliquer des objets comme les quasars, par exemple. Alain Raviasileo. Et puis, ce qu'on a constaté, c'est que toutes les galaxies semblent héberger en leur centre un trou noir très massif, y compris des galaxies très très très anciennes, qui sont très loin et donc que l'on voit telles qu'elles étaient très peu de temps après le Big Bang. Donc il y a une sorte de symbiose entre la galaxie et le trou noir central qu'elle héberge. Et donc on ne peut pas prétendre sans doute comprendre ce qu'est une galaxie si on ne comprend pas comment l'objet qui est en son centre évolue de concert avec elle. Alors il faut bien faire la distinction entre les deux grands types de trous noirs que l'on connaît aujourd'hui, même si on verra que il y a des théories pour compléter ces deux grandes catégories. Il y a les trous noirs justement supermassifs, ceux que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire ceux qui sont au centre des galaxies, et les trous noirs stellaires. Ce sont deux objets radicalement différent, Éric Bourgouillon. Alors, pour le théoricien, non, c'est le même objet, puisque, comme on le disait tout à l'heure, avec ce théorème d'absence de chevelure, enfin, le trou noir est un objet très simple qui est décrit par son nombre de nombres, sa masse et son moment cinétique. Donc, effectivement, les trous noirs dits supermassifs, ils ont une grande masse, mais leur forme, enfin, disons, ce qu'on appelle la métrique en relativité générale, est la même, en fait, que pour les trous noirs stellaires. C'est simplement le paramètre de masse qui est différent, qui prend une valeur différente. Donc, c'est le même objet pour le théoricien. Par contre, effectivement, pour l'astrophysicien, les processus de formation sont complètement différents. On pense que les trous noirs supermassifs au cœur des galaxies sont sans doute formés dans l'univers primordial, alors que les trous noirs dits stellaires sont des cadavres d'étoiles, des restes d'étoiles après sans doute une explosion supernova. C'est ce qui reste de la fin de vie, c'est la fin de vie d'une étoile massive en fait. Pour qu'on comprenne bien, par exemple, en termes de masse solaire, la différence entre la taille des trous noirs stellaires et des trous noirs supermassifs, c'est quelle échelle à l'intérieur ? Un trou noir stellaire, c'est à partir de 3 masses solaire jusqu'à quelques dizaines, en tout cas on ne connaît pas de représentants plus massifs. Et les trous noirs supermassifs, c'est de quelques centaines de milliers à quelques milliards de masses solaires. Et donc il y a, semble-t-il, un no man's land entre ces deux populations très différentes, ce qui suggère un mode de formation très différent aussi. Et un tout dernier mot, et puis avant de passer à la deuxième partie et de traiter un peu de l'actualité de ces trous noirs, finalement, donc une fois qu'on a dépassé cet horizon des événements, toute information, donc toute lumière, toute matière se perd, qu'est-ce qu'elle devient, cette information, finalement, Alain Raviasileo ? Alors, c'est un débat chez les théoriciens, mais c'est pas un débat chez les astrophysiciens. La raison, c'est que, suite à des calculs extrêmement sophistiqués qui font à la fois intervenir donc les lois de la gravitation dont on a parlé et les lois qui régissent l'infiniment petit, ce qu'on appelle la mécanique quantique, on pense que les trous noirs qui, a priori, sont des objets éternels, puisque rien ne peut s'en échapper, finissent par se dissiper dans le néant au bout de durées fantastiquement grandes. Donc pour l'astrophysicien, le trou noir, c'est un objet éternel qui ne peut que grossir au cours du temps. Et donc ce qui se passe à l'intérieur du trou noir, on s'en fiche un peu. Pour le théoricien, en fait, si on attend suffisamment longtemps, alors suffisamment longtemps, c'est immensément plus longtemps que l'âge actuel de l'univers, alors, qu'il advient de ces trous noirs n'est pas bien connu. Et effectivement, là où il semble qu'une partie de l'information relative à la matière qui forme le trou noir est perdue, peut-être qu'on peut récupérer cette information en attendant très longtemps et en l'observant en continu sur des durées aussi longues. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous sommes en compagnie d'Éric Gourgouillon et d'Alain Riazuelo. Nous parlons donc des trous noirs tout au long de cette heure dans la méthode scientifique sur France Culture. Et avant de remonter justement un peu les manches et de plonger corps et bien au cœur de la singularité de la physique théorique, j'aimerais vous faire réagir l'un et l'autre à quelques-unes des informations récentes autour justement des trous noirs. Je le disais hein, dans la présentation de cette information, les trous noirs suscitent beaucoup d'études, beaucoup de publications. Vraiment, c'est quasiment quotidien, si ce n'est hebdomadaire. On a parlé des trous noirs supermassifs et des trous noirs stellaires. Récemment, une étude publiée au début du mois évoque l'existence d'un trou noir de masse intermédiaire. Pourquoi est-ce que c'est intéressant qu'on trouve finalement comme ça un trou noir qui se situerait à cheval entre les trous noirs supermassifs du centre des galaxies et les trous noirs stellaires que l'on trouve un peu partout disséminés dans le cosmos, Éric Gourgouillon? Alors encore une fois, pour le théoricien, c'est pas extrêmement intéressant puisque c'est le même trou noir, c'est le même objet, ce qu'on appelle d'ailleurs, on l'a pas mentionné encore, mais c'est la solution de Kerr qui a été trouvée par le mathématicien néo-zélandais en 1963, cette solution qui décrit finalement tous les trous noirs stationnaires de l'univers et qui a que deux paramètres, ou trois si on rajoute la charge, mais essentiellement la masse et le moment cinétique. Donc ces trous noirs de masse intermédiaire, ils sont aussi décrits par la solution de Kerr, donc ce ne serait pas quelque chose d'absolument nouveau pour le théoricien. Par contre, pour l'astrophysicien, ça pose, comme le mentionnait Alain tout à l'heure, un problème de formation. Tiens, s'il y a des trous noirs qui font quelques centaines à quelques milliers de masses solaires, donc intermédiaires entre les stellaires et les trous noirs supermassifs, effectivement, il faut comprendre comment ils se sont formés, d'où viennent ces objets. Donc c'est intéressant pour l'astrophysique. Effectivement. C'est quelque chose qui est encore pas mal discuté. Je pense que Alain, tu es d'accord avec moi là-dessus. Alain Riazuelo, c'est l'importance, oui. Est-ce que ça permettrait de reconstituer une sorte de transition, de mieux comprendre la formation? C'est possible, effectivement. Les trous noirs intermédiaires pourraient être des trous noirs stellaires qui ont beaucoup grossi ou pourraient être des trous noirs supermassifs un peu avortés. Donc si on arrive à étudier ces objets, on pourra peut-être mieux comprendre si effectivement ils sont une population intermédiaire ou encore une population... Si c'est un chaînon manquant. Voilà, c'est ça. Ou si c'est encore quelque chose de complètement différent. Mais le problème, c'est que les trous noirs stellaires, ils sont très durs en général à détecter et on en détecte quelques-uns parce qu'ils sont très nombreux. Les trous noirs supermassifs, ils sont relativement faciles à détecter parce qu'on sait où ils sont, au centre des galaxies. Même s'il n'y en a qu'un, on sait où ils sont. Les trous noirs intermédiaires, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est et donc on ne sait pas où chercher. Et leur signature observationnelle est assez difficile à trouver. Et donc, aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord quant au fait que telle ou telle observation est le signe indiscutable d'un trou noir de masse intermédiaire. Mais comme tout nouvel objet ou telle nouvelle sous-catégorie d'objet en astrophysique, comme dans le monde vivant, si c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas et dont on se rend compte que ça existe, évidemment, il faut l'étudier pour comprendre où le placer dans l'arbre du dans l'arbre phylogénétique, voilà, de l'espace. Une autre information à laquelle j'aimerais vous faire réagir, d'ailleurs c'est amusant parce que toutes ces informations concernant les trous noirs, on trouve toujours à peu près à un moment donné le même topos qui est une nouvelle une étude qui va changer complètement notre compréhension de l'univers. Bon, à chaque fois on n'a pas l'impression que ça change finalement grand chose, mais en l'occurrence c'est cette annonce tout de même par la NASA, je crois que c'était à l'automne dernier, de la découverte des plus grands et des plus anciens trous noirs de l'univers. En quoi cette découverte a été importante, parce que a priori on avait du mal à trouver des trous noirs qui remontaient à plus de 2 milliards d'années, si je ne me trompe pas. C'est pour le processus, effectivement, c'est des observations intéressantes pour comprendre mieux le processus de formation de ces trous noirs supermassifs qui sont au cœur des galaxies, dont la nôtre, cet objet Sagittarius à étoiles dont on parlait tout à l'heure. Donc effectivement, si on les voit tôt dans l'histoire de l'univers, puisque en fait ça veut dire on les voit loin, hein, puisque plus donc tôt après le Big Bang, donc ça veut dire qu'ils sont formés relativement tôt. Donc ça c'est intéressant parce que c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, hein, ces trous noirs au cœur des galaxies. Qu'est-ce qui s'est formé d'abord? Est-ce que c'est d'abord le trou noir supermassif et la galaxie s'est formée autour, ou le contraire? Donc ça c'est encore un sujet d'étude aujourd'hui. Et donc le fait qu'on voit des trous noirs finalement relativement tôt dans l'histoire de l'univers, Ça tend à montrer qu'effectivement ils se sont formés sans doute avant les galaxies ou à peu près au même moment, en tout cas. Alain Riazuelo. Oui, puis ça pose un autre problème, c'est qu'on a des calculs qui laissent à penser qu'un trou noir, même s'il engloutit de la matière, il ne peut pas le faire à un rythme effréné. Le trou noir est trop petit pour grossir vite. Hein. C'est comme si vous voulez vider une piscine en perçant un trou d'une, avec une tête d'épingle au fond, vous allez la vider, mais ça va prendre du temps. Donc on pense qu'il faut environ 40 millions d'années à un trou noir pour doubler sa masse. Donc dit comme ça, ça laisse le temps, mais ça veut dire qu'en 400 millions d'années, par exemple, un trou noir ne peut avoir sa masse que multipliée par 1000. Or, si 5 ou 600 millions d'années après le Big Bang, vous voyez des galaxies qui hébergent des trous noirs qui sont déjà très massifs, de plusieurs milliards de masses solaires, alors ça veut dire que la graine initiale était très grosse déjà, beaucoup plus grosse que les trous noirs stellaires que l'on connaît. Donc, savoir qu'il y a des trous noirs très massifs très tôt dans l'univers, ça nous donne des renseignements sur les possibles progéniteurs de ces objets encore plus anciens et possiblement beaucoup plus gros que les trous noirs stellaires qui sont la seule population dont le mode de formation est bien compris, mais qui pourrait ne pas être suffisant pour expliquer la population de trous noirs supermassifs qui existent. Une autre question, et on va commencer à arriver dans ce qui va être notre sujet de discussion pour la dernière partie de cette émission dans quelques minutes. Cette publication, a priori paradoxale, qui montre comment légère radio d'un trou noir supermassif en accrétion, donc en train de grossir, de se former, peuvent induire la production de gaz moléculaires et donc la création de milliards d'étoiles. Je résume, finalement, un trou noir supermassif en cours d'accrétion. Alors qu'on pourrait penser que, en cours d'accrétion, donc il consomme de la matière et de la matière stellaire autour de lui, finalement va produire des gaz moléculaires et donc générer des milliards, des dizaines de milliards d'étoiles. Comment est-ce que c'est possible, ça, Éric Gourmand? On rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect moteur du trou noir, c'est-à-dire que paradoxalement, effectivement, un trou noir, on invoque aujourd'hui pour expliquer les sources les plus énergétiques de l'univers, et notamment on s'aperçoit que depuis ces trous noirs supermassifs émergent des jets à des vitesses relativistes, des jets vraiment où la matière est accélérée à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Et donc, ça veut dire qu'il y a des mécanismes autour du trou noir, pas directement à l'intérieur du trou noir, parce qu'effectivement, rien ne sort du trou noir. Qu'on soit bien d'accord, les jets ne viennent pas de l'intérieur du trou noir. Ils sont produits à l'extérieur de l'horizon des événements, mais tout près de cet horizon. Et ça, c'est un mécanisme qui, d'un point de vue théorique, avait été envisagé assez tôt par le fameux physicien britannique Roger Penrose. On appelle ça le processus de Penrose. Il a montré qu'on peut extraire de l'énergie d'un trou noir en rotation, en fait, si on s'approche suffisamment près du trou noir. Si on largue une partie de matière dans le trou noir, on peut ressortir en calculant bien cette trajectoire avec une énergie plus grande que celle avec laquelle on est entré. Alain Ruiz-Vello, c'est une autre information paradoxale tout de même sur la connaissance. Mais même sans parler des trous noirs supermassifs, on peut dire qu'une partie de la matière qui compose la Terre et le Soleil a été produite lors de la fin de vie de certaines étoiles massives. Dans l'univers primordial, il n'y a pas d'oxygène de l'air qu'on respire, il n'y a pas de fer. Le fer, par exemple, tous les métaux dont on dispose sur Terre ont été produits à l'issue de l'explosion de ces étoiles massives, dont certaines ont donné naissance à des trous noirs. Donc un univers dans lequel il n'y aurait pas de trous noirs, paradoxalement, c'est un univers dans lequel il n'y aurait peut-être pas beaucoup moins de possibilités de vie. Et on peut ajouter que quand une étoile explose pour éventuellement donner un trou noir, l'onde de choc que génère l'explosion va un peu perturber le milieu interstellaire jusqu'à des dizaines de milliers d'années-lumière et va favoriser la formation de futures générations d'étoiles. Donc il y a effectivement une partie de la matière, de l'énergie qui est perdue dans le trou noir, mais il y a une partie qui est restituée de façon très efficace puisqu'elle permet à des générations suivantes d'étoiles d'exister. Puisque nous entrons dans ce domaine, il faut peut-être aussi un peu expliquer et approcher de ces questions qui vont nous conduire au rayonnement de Hawking. Comment se comporte la matière finalement? Est-ce qu'on sait comment se comporte précisément la matière à proximité des trous noirs, autour des trous noirs et au fur et à mesure qu'elle s'approche de l'horizon des événements, Éric Gourgouillon? Oui, on a de plus en plus aujourd'hui de simulations numériques par les ordinateurs, donc on arrive à résoudre les équations de l'hydrodynamique ou de la magnéto-hydrodynamique au voisinage des trous noirs. Donc en résolvant ces systèmes, on arrive à simuler, donc à comprendre quelque part ce qui se passe effectivement. Et les observations, effectivement, on n'arrive pas encore, mais c'est le but de l'Event Horizon Telescope, justement d'avoir ces images de la matière au bord du trou noir, de ce disque d'accrétion. Donc ça, on espère les avoir peut-être dès cette année ou en tout cas dans les années qui viennent. Mais d'un point de vue théorique, on sait simuler cette matière avec des ordinateurs, donc à relativement bien comprendre ce qui s'y passe. On a des observations de la matière qui est en train de tomber sur certains trous noirs. Évidemment, ce n'est pas de l'imagerie directe. On ne voit qu'un seul pixel et donc qui encode tout ce qui se passe. Mais ça suffit à nous donner certaines informations sur la vitesse, par exemple, à laquelle la matière finit par spiraler juste avant d'être absorbée par le trou noir. Oui, on a des spectres, notamment. Et donc voilà, donc même si on ne sait pas tout, même si on ne connaît pas avec certitude les lois de la gravitation au voisinage immédiat du trou noir, on a déjà des observations difficiles à observer parce qu'elles nécessitent des simulations numériques compliquées, mais qui permettent quand même d'avoir certaines idées sur ce qui se passe. Ce qui est difficile, c'est de tout prédire et de tout expliquer avec le peu d'observations qu'on a. On sait notamment qu'elle s'accélère fortement, qu'elle se condense fortement, qu'elle dégage beaucoup d'énergie, et c'est cette énergie et ces rayons X qu'on perçoit et qui nous permettent d'observer indirectement les trous noirs. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a observé les premiers trous noirs, c'est comme des sources X, effectivement, donc des sources à haute énergie, dès le début des années 60, dès qu'on a lancé en fait des satellites, puisque vous savez que l'atmosphère est opaque aux rayons X, donc on ne les observe pas depuis le sol, il faut mettre des observatoires en orbite. Et on a commencé donc ça dans les années 60 avec des fusées sondes d'abord, puis ensuite des satellites. Et donc les premiers, ce qu'on a appelé les candidats trous noirs à l'époque, notamment Sinus X1 par exemple, justement rien qu'avec le nom, il y a le X dedans, c'est X pour rayon X. Qui est le premier trou noir observé. Voilà, stellaire observé. Avant ça, il y a eu les quasars, puis les quasars ont été observés avant, qu'on a interprété ensuite comme étant des trous noirs en accrétion. Et donc effectivement, la plupart des trous noirs stellaires aujourd'hui sont connus comme des sources X en fait. La méthode scientifique, Nicolas Martin. From trash to treasure. Parlons tout au long de cette heure des trous noirs avec Éric Gourgouillon, qui est chercheur en astrophysique théorique et directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Univers et Théorie de l'Observatoire de Paris. Et nous sommes également avec Alain Riazuelo, astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris, chercheur au CNRS et à l'UPMC. Dans cette dernière partie, dans les 20 dernières minutes qui nous restent, nous n'allons faire que poser des problèmes, ou tout du moins en tout cas soulever les problèmes nombreux que posent encore les trous noirs tant aux physiciens qu'aux astrophysiciens. Et pour commencer, disons un mot de ce que nous avons évoqué à plusieurs reprises sans vraiment le définir, ce fameux rayonnement de Hawking mis en évidence en 1974 par le célèbre astrophysicien Stephen Hawking. Qu'est-ce que c'est, Éric Gourgouillon, que ce rayonnement de Hawking? Pourquoi il est si important? Alors, le rayonnement de Hawking, c'est donc introduit par Stephen Hawking en 1974. C'est la première fois qu'on faisait des calculs de théorie quantique des champs au voisinage d'un trou noir. Donc le trou noir, c'est un objet avant cela qui était un objet purement de la relativité générale, donc décrit par une théorie classique de la gravitation. C'est pas une théorie quantique, la relativité générale. Et donc Stephen Hawking a fait des calculs de ce qu'on appelle des fluctuations du vide, donc c'est un phénomène typiquement quantique, au voisinage d'un trou noir. Il s'est aperçu que, en fait, il apparaissait une radiation, c'est-à-dire qu'une partie des paires virtuelles des fluctuations du vide, une des particules pouvait s'échapper pendant que l'autre tombait dans le trou noir, donc il y avait un flux net, comme ça, et qui avait une certaine température, donc qui avait certaines propriétés, un rayonnement de corps noir, et donc ça a été ce qu'on appelle s'appeler le rayonnement d'Hawking. Donc c'est une prédiction purement théorique, hein. C'est pas du tout quelque chose d'observé aujourd'hui. Et c'est, voilà. Donc c'est les premiers aspects mariage de la mécanique quantique et de la gravitation. Ce rayonnement de Hawking, il pose un certain nombre de problèmes. On va le voir. C'est ça en fait. C'est grâce à ce rayonnement de Hawking qu'on arrive à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire à cette hypothèse selon laquelle les trous noirs ne sont pas permanents, mais qu'ils s'évaporent au fur et à mesure, même à des échelles de temps immenses. On parle de 10 puissance 60, 70, 80. Enfin, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais néanmoins, les trous noirs ne sont pas fixes, stables. Ils s'évaporent. Voilà, ce ne sont probablement pas des objets éternels. Le problème, c'est que le rayonnement émis par les trous noirs connus est tellement infime qu'il est évidemment totalement indétectable. Donc, pour l'instant, ça reste une prédiction théorique qui a laissé les gens un peu perplexes dans les années 70-80. Et à l'issue de quoi, il y a un consensus de plus en plus fort qui s'est formé pour dire que non seulement c'était une prédiction théorique, mais que c'était une prédiction extrêmement solide. C'était pas une vue de l'esprit ou une divagation intellectuelle sans intérêt. Alors, pour l'astrophysique, ça n'est pas très important, puisque les échelles de temps en jeu sont bien trop grandes. Pour le physicien théoricien qui s'intéresse, par exemple, à l'avenir à très long terme de l'univers, est-ce que quels sont les objets les plus pérennes de l'univers? Est-ce que c'est les trous noirs? Est-ce que c'est autre chose? Ça, c'est une question intéressante, même si elle est difficilement confrontable au réel, évidemment. Alors, difficilement confrontable, mais confrontable tout de même, puisque si ce rayonnement de Hawking était une théorie donc émise en 1974, eh bien, elle a pu, non pas être observée, mais en tout cas confirmé expérimentalement, pas plus tard que l'an dernier. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors ce n'est pas vous qui avez confirmé cette théorie, quoique si vous vous y étiez mis un peu sérieusement, vous auriez pu bosser un peu plus. Je n'ai pas la bonne calculette. Bon, en tout cas, sur les deux équipes qui l'ont confirmé, une de ces équipes est française et vous l'avez rencontrée. Exactement, et elle a suivi en fait les prédictions d'un physicien canadien qui s'appelle William Unruh, qui en 1981 suggérait que, à la suite de Stephen Hawking et de sa radiation, des systèmes hydrodynamiques pourraient reproduire, par analogie, certaines propriétés des trous noirs, et c'est ce qu'on appelle les trous noirs acoustiques. En résumé, il y a des correspondances entre la propagation des ondes lumineuses au voisinage d'un trou noir et la propagation des ondes sonores dans un fluide, dont la vitesse d'écoulement franchit celle du son. J'ai donc rencontré Renaud Parentani, du laboratoire de physique théorique de l'Université Paris-Sud. Avec ses collègues de l'Institut P' de Poitiers, ils ont justement suivi les principes de William Unruh pour mettre en évidence cette évaporation des trous noirs grâce à un trou noir acoustique créé dans un canal de 7 mètres de long rempli d'eau. Comment ont-ils fait et avec quel résultat? On l'écoute. En ce qui concerne les expériences effectuées au laboratoire P' à Poitiers, le canal fait 6 mètres de long. Les longueurs d'onde des ondes émises et absorbées vont de 10 cm à plusieurs mètres et les photographies sont faites à l'aide d'appareils photographiques absolument standards. Pour étudier plus précisément la production donc, de ces ondes d'énergie négative et le blocage des ondes, ce que l'on mesure en fait, ce sont les corrélations entre les divers types d'ondes. Et on étudie pour cela des cartes de corrélation qui sont en fait en principe très semblables aux cartes de corrélation que l'on utilise pour étudier le fond diffus cosmologique. Donc on corrèle deux mesures différentes. Et sur ces cartes de corrélation, on voit apparaître des points lumineux qui traduisent l'existence de corrélation entre deux types d'ondes bien particuliers. Et on voit sur ces cartes des corrélations tout à fait attendues entre l'onde incidente et l'onde réfléchie, mais on voit apparaître des corrélations supplémentaires dues à la présence de l'onde transportant une énergie négative qui, elle aussi, est corrélée aux deux autres ondes. Et en regardant l'intensité de ces corrélations, on a accès au spectre du trou noir et donc indirectement à la température du trou noir. Et le grand challenge dans les années qui viennent consiste précisément à faire des mesures de plus en plus précises et à comparer le résultat de ces mesures aux prédictions de la théorie pour voir dans quelle mesure cette diffusion anomale d'ondes se comporte comme les équations devraient correctement le décrire. Et en quoi ces résultats-là nous permettent d'en savoir plus sur le fonctionnement des trous noirs ? En fait, il s'agit là d'une question difficile. car ce qui est testé à ce jour dans les expériences, ce sont les prédictions effectuées par Hawking en 1974 et leur généralisation dans des situations un peu plus vastes. Par contre, ce qu'on ne parvient pas à tester, c'est la validité des expériences utilisées par Hawking pour obtenir ces résultats en 1974. Pour cela, il faudrait comprendre les effets de la gravité quantique sur le rayonnement des trous noirs. Beaucoup de grands physiciens ont essayé de s'attaquer à ce problème, mais à ce jour, il n'existe pas de description satisfaisante de ces effets de gravité quantique. Toutefois, les résultats que nous sommes en train d'obtenir pourraient jouer un grand rôle s'il s'avère que l'invariance de Lorentz, qui est au cœur de la théorie de la relativité et à l'origine des problèmes liés à la gravité quantique, était brisée à très haute énergie. Et bien dans ce cas, l'analogie entre la radiation des trous noirs que l'on observe et la radiation des trous noirs en astrophysique se trouverait fortement renforcée, car dans les deux cas, la dispersion des ondes jouerait un rôle essentiel dans le rayonnement de Hawking. Voilà le reportage d'Antoine Beauchamp, des réactions justement à cette confirmation expérimentale, en tout cas donc via des ondes sonores dans du fluide, de ce rayonnement de Hawking en astrophysique, Alain Riaviello. Alors c'est pas tout à fait une confirmation expérimentale, c'est une analogie. Une analogie qui a expérimentale. Été, voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que certaines des objections qu'on aurait pu avoir et qui ont été discutées abondamment dans la littérature après que Hawking ait fait ses résultats, les mêmes objections auraient pu être faites sur le système analogue qui a été étudié. Or, finalement, le système analogue se comporte comme prédit par Hawking. Donc, une partie non négligeable des objections théoriques qu'on pouvait avoir quant à la validité de des méthodes utilisées, elles tombent à l'eau, sans jeu de mots, avec ce résultat-là. Mais on n'a pas encore prouvé que les objets purement gravitationnels s'évaporent. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça va commencer à être difficile de nier qu'il est très raisonnable de penser que ce rayonnement de Hawking est correct, en tout cas théoriquement. Ce qui est intéressant finalement, c'est que à travers cette reproduction expérimentale, cette analogie expérimentale, on est dans les trous noirs, finalement, dans ce va-et-vient constant entre des théories de pensée qui sont formulées pour envisager l'existence, puis le fonctionnement de ces objets célestes, et petit à petit, les observations indirectes, les détections, ce qu'on disait tout à l'heure, Cygnus, puis les ondes gravitationnelles, etc. On approche comme ça par petits pas et par demi-confirmation, par reproduction, par analogie, Eric Gourgouillon. Oui, tout à fait. Et là, avec ce rayonnement de Hawking, on est au point de convergence entre les deux grandes théories du XXe siècle, la relativité générale d'un côté et la mécanique quantique de l'autre. Hein, comme le disait Renaud Parentani à la fin de son reportage, on n'a pas encore aujourd'hui, malheureusement, de théories qui marient les deux de manière satisfaisante. Il y a la théorie, il y a des pistes, hein, la théorie des cordes d'un côté, la gravitation quantique à boucle d'un autre côté. Émission là-dessus, on renvoie nos auditeurs. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission sur l'unification impossible de la physique. Donc effectivement, pour répondre de manière définitive à cette histoire du rayonnement de Hawking, c'est sans doute une théorie quantique de la gravitation ou une théorie gravité de la mécanique quantique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui répondra de manière définitive à cette problématique-là aujourd'hui. Mais effectivement, c'est pour ça que c'est un objet d'étude chaud à l'heure actuelle, puisque effectivement, c'est une bonne théorie quantique de la gravitation doit pouvoir décrire ce genre de phénomène. Puisqu'on parle de ce rayonnement de Hawking, ça nous amène justement vers les impasses, ou en tout cas vers les interrogations que continue de soulever l'étude des trous noirs, autant en physique qu'en astrophysique. Qu'est-ce qu'on appelle le paradoxe de l'information, Alain Riaviello? Pourquoi c'est important? Alors c'est important parce que dans les lois du monde microscopique, il y a certaines quantités qui sont conservées lors de tous les processus élémentaires que l'on connaît. Et d'un autre côté, quand on forme un trou noir, il semble que certaines des quantités qui d'habitude sont conservées ne le sont pas. Et donc on a une incompatibilité de fond entre deux phénomènes qui, pris séparément, prédisent des résultats apparemment indiscutables via des raisonnements rigoureux. Et pourtant, il y a un problème. Et donc, le fait que les trous noirs s'évaporent laisse espérer une solution à ce problème, puisque finalement, un des problèmes, c'est que, une fois que le trou noir est formé, on ne sait plus. On n'a aucun moyen de savoir de quoi il s'est formé. À de quoi il s'est formé. Voilà. Et donc, si on observe le processus d'évaporation, ce processus qui a l'air un peu aléatoire, c'est-à-dire qu'on émet un certain nombre de photons par seconde, ce nombre change au cours du temps à mesure que le trou noir s'évapore, mais que si non seulement on observe ces photons, mais qu'on les observe individuellement, que l'on sait quand et dans quelle direction ils ont été émis, peut-être que ça encode une partie de l'information initiale qui, d'après les lois de la physique microscopique, ne devrait pas être perdue. Alors, ça veut pas dire qu'elle est récupérable, mais elle a été transformée en quelque chose qui existe encore. Et pour les physiciens du monde microscopique, c'est quelque chose de plutôt rassurant. Se pose la question tout de même, puisque si effectivement ce rayonnement de Hawking s'avère être une théorie satisfaisante et confirmée par analogie, si les trous noirs s'évaporent même à une très grande échelle de temps, c'est donc que se pose la question de la destination, du devenir de cette information qui est absorbée. Oui. Que devient, où passe l'information, Eric Gourgouillon ? Pour moi, j'ai pas tout à fait une opinion. J'ai une opinion là-dessus sur ce qu'on appelle le paradoxe de l'information. Pour moi, c'est pas tellement un paradoxe parce que, comme le disait Alain, c'est cette conservation de l'information, c'est une prédiction de la physique microscopique, c'est-à-dire de la mécanique quantique. Mais rien ne garantit que dans une théorie ultime, on n'a jamais de théorie ultime en physique, mais dans une théorie qui marie la relativité et la mécanique quantique, une physique unifiée, l'information soit préservée. Disons, c'est donc. Le fait que l'information ne soit pas préservée, finalement, ça ne violerait rien dans cette théorie-là, dans cette potentielle théorie-là. Donc, voilà. Pour moi, je n'attache pas une très grande importance à ce paradoxe d'information dont on discute beaucoup, mais tant qu'on n'a pas de théorie achevée, je dirais que c'est un peu des discussions comme ça. Alors, on va rentrer un peu dans la fantasmatique que nous évoquions au tout début de cette émission. Stephen Hawking lui-même évoque la possibilité que cette information passe ailleurs, qu'elle passe dans un autre univers. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette théorie, selon vous, Alain Riazello ? Il y a beaucoup d'idées qui sont proposées dans la littérature, et il y a toujours un seul auteur dont tout le monde discute des idées, c'est Stephen Hawking. Alors c'est un peu gênant. Non pas parce que les idées de Hawking ne méritent pas d'être discutées, mais ça donne Hawking l'impression que parle beaucoup sur beaucoup de choses et ne dit pas forcément des choses toujours très brillantes, soit dit en passant. Ce qu'il dit sur les trous noirs est intéressant, mais il y a énormément d'autres personnes qui disent des choses, et donc se focaliser sur ce que dit une seule personne, ça donne pas forcément une bonne idée de l'état de l'art et de la réelle effervescence qu'il y a à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que des réflexions sur cette problématique de l'information peuvent éventuellement nous renseigner sur comment marier la théorie du monde microscopique et la théorie de la gravitation. Donc de toute façon, c'est intéressant. Après, est-ce que cette information est effectivement conservée comme le pense la théorie actuelle du monde microscopique, ou est-ce qu'elle ne l'est pas ? On peut toujours faire des paris, évidemment, mais en science, les paris, c'est pas très utile dans la mesure où ce qui est important, c'est de progresser, et c'est pas d'avoir raison, c'est que la connaissance progresse. Éric Gourgouillon, qu'est-ce que vous pensez malgré tout de cette option ? Quand on parle d'un autre univers, on parle pas de la quatrième dimension, on parle évidemment des univers, des multiples univers qui seraient postulés par la gravitation quantique à boucle, par la théorie des cordes. Effectivement, Alain le disait tout à l'heure au début de l'émission, il disait que à l'intérieur d'un trou noir, on ne pouvait pas définir la notion de volume. C'est-à-dire le trou noir, on voit bien ce que c'est vu de l'extérieur. C'est une espèce de boule délimitée par l'horizon des événements. Par contre, à l'intérieur, c'est extrêmement riche. C'est des régions, tu disais, où notre intuition n'a plus guère cours. Et notamment, la topologie de l'intérieur peut être relativement compliquée. C'est-à-dire qu'on peut avoir des espèces d'univers multiples. On peut déboucher sur un autre univers, par exemple, à l'intérieur du trou noir. Et donc, je pense que c'est à ça que faisait allusion Stephen Hawking quand il disait que l'information, elle peut disparaître et réapparaître dans un autre univers, mais ce serait un univers qui ne serait pas connecté directement au nôtre, c'est-à-dire qu'effectivement, en aucun cas, on ne ressort du trou noir. Mais il est possible pour un voyageur qui rentre dans le trou noir, disons, la chute sur la singularité centrale n'est pas inéluctable, on peut, notamment si le trou noir est en rotation, ce voyageur pourrait ressortir ailleurs, enfin dans un autre univers, hein, pas dans le nôtre, évidemment, puisque par définition, on ne peut pas franchir l'horizon des événements dans l'autre sens. Mais voilà, donc c'est ce genre de choses. choses qui sont théoriquement possibles, sont... Hein, après, dans la pratique. Encore une fois, je renvoie les auditeurs à cette émission que nous avions consacrée à ces deux modèles ou à ces deux théories qui tentent d'unifier la physique, la théorie des cordes et la gravitation quantique à boucle. On vous a mis le lien sur le fil Twitter de l'émission. Pour conclure, peut-être par une ouverture sur l'inconnu, qu'est-ce que vous souhaiteriez apprendre l'un et l'autre? Quelle information vous manque aujourd'hui, que ce soit par la future observation directe que l'on espère via l'Event Horizon ou Gravity, qu'est-ce que vous aimeriez découvrir ou apprendre sur les trous noirs qui seraient pour vous des éléments d'information importants qui changeraient un peu la praxis aujourd'hui de vos connaissances? En fait, je pense qu'il serait plus intéressant, enfin pour un théoricien, c'est d'avoir quelque chose de surprenant. Donc là, on va observer avec l'instrument Gravity dont on parlait tout à l'heure, ou l'Event Horizon télescope, ou encore les futures détections d'ondes gravitationnelles, on va voir les trous noirs de près. Et par exemple, si on s'apercevait que le trou noir central de notre galaxie, notamment, n'est pas le trou noir de Kerr, ce trou noir unique en relativité générale là, qui est décrit que par sa masse et son moment cinétique, mais si l'espace-temps autour ne correspondait pas à ce qu'on connaît du trou noir de Kerr, donc ça serait quelque chose de surprenant. Et là, effectivement, c'est intéressant. Voilà, ça veut dire que la théorie de la gravitation, c'est pas exactement la relativité générale, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, sans doute, ou un peu plus, bon, je sais pas quoi. Voilà, donc c'est ça que qu'on espère, de trouver quelque chose d'inattendu. Voilà, de trouver quelque chose d'inattendu sur Sagittarius à étoiles. Et vous, Alain Riazuelo, qu'est-ce que vous aimeriez découvrir ou apprendre dans les jours? Alors, les surprises, c'est toujours plus amusant. On sent des fois, d'ailleurs, des confrères qui sont spécialistes d'un sujet, mais qui regrettent d'être nés 20 ou 30 ans trop tard au moment où le sujet a démarré, parce qu'ils auraient aimé être témoin de ça. Donc là, on a la chance d'être témoin d'une explosion de découvertes, et donc il y aura sans doute des surprises. C'est difficile de savoir lesquelles. Est-ce que c'est les lois de la gravitation qui sont différentes de ce qu'on connaît? Est-ce que c'est la structure, le comportement de la matière ou de ces objets qui est différent? Je ne sais pas, mais ça serait un tout petit peu frustrant qu'il n'y ait pas de surprise, et on est quand même assez optimiste, parce qu'en astronomie, en général, quand on ouvre une nouvelle fenêtre d'observation, c'est-à-dire qu'on observe le ciel différemment de ce qu'on a fait avant, on observe des choses qu'on avait prédites, mais on observe aussi des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, selon cette vieille tradition astrophysique, espérons que les trous noirs ne dérogent pas à la règle. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Les premières images d'ailleurs de l'Event Horizon sont attendues normalement là pour cette année. Plutôt pour le début de l'année prochaine. Le temps de dépouiller les données, oui, effectivement. Parce que c'est des volumes de données qui sont très très grands. C'est plusieurs sans doute milliers de téraoctets de données qu'il va falloir travailler de façon intensive. Donc ça prend... Les gens de l'Event Horizon Telescope annoncent d'ores et déjà que ça sera plutôt début 2018. Voilà, il y a aussi l'instrument Gravity qui, lui, va mesurer des orbites d'étoiles autour de Sagittarius à étoiles. Et là, il y aura aussi des données cette année, vraisemblablement. Eh bien, on guettera ça avec attention et avec passion. Merci beaucoup, Éric Gourgouillon, Alain Riazuelo. Je rappelle vos ouvrages, Alain Riazuelo, Les trous noirs à la poursuite de l'invisible, aux éditions Vuibert, préfacé par Roland Lehoucq. Éric Gourgouillon, Relativité restreinte des particules à l'astrophysique, aux éditions et des Sciences et CNRS édition. Dans un instant, le journal de 8h, nous on se retrouve demain à 7h, jusqu'à preuve du contraire.